Ah oui, ce serait une bonne idée, ça voudrait dire électro-pop. Moi, bon, ça nous mettrait pas super en avance, mais en avant, mais en tout cas, c'est du son plutôt dance floor aussi. Pff, en fait, ça dépend des morceaux. Ouais, c'est il y a des morceaux un peu. Parce qu'on peut faire, c'est que quand une fois qu'on aura joué, on demandera aux gens de qui nous aident. C'est vrai que c'est toujours difficile de définir un style. Ouais. Ouais. Et comment vous avez commencé ce projet? C'était quoi votre élan au point de départ là? Comment ça commence comme ça? Tu te rappelles toi? Ouais, en fait, c'est Perruche. Il avait acheté ce clavier. Le synthé rouge, le fameux synthé rouge, qui est dans le studio là. Et il avait très envie de faire de la musique avec quelqu'un, parce qu'il était avec ses Ableton. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il tournait en rond avec sa machine. Ouais. Et à force de traîner ensemble, à un moment donné, on s'est fait une session. Et en fait, la première session était assez satisfaisante. Enfin, en 3 heures, je crois qu'on s'est vus, on a été très satisfaits, quoi. On a dû pondre, je crois, 2 ou 3 morceaux dont on était satisfait, quoi. Ça a commencé à combien de temps, Pamplemousse? Je dirais un peu après le Covid. Ouais, pendant, je dirais un peu, ouais. Comme ça, ouais, quand la vie était un peu confinée, moitié confinée. Ouais, et qu'on rouillait un peu chez soi en attente de se retrouver sur des dance floors. Ouais, ou dans pareil, des soirées. Ouais, grave. Ouais. Et qu'on avait le temps de s'enfermer dans un studio, du coup. Ouais. Et alors, moi, c'est marrant, je vous connaissais plus comme DJ, c'est-à-dire à faire tourner des galettes comme ça. Et comment vous êtes passé des platines aux instruments, et c'était quoi un peu la motivation derrière ça? Le pourquoi de passer des platines aux instruments? Alors, moi, enfin, de mon côté, on va dire, je fais des prods sur mon petit ordinateur et mes petits contrôleurs à la maison, au bureau. Et enfin, ça, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai l'âge, on va dire, 15-16 ans, quoi, de faire des prods comme ça, mais bon, sans prétention. Et après, le côté, moi, j'ai déjà joué dans des groupes, je suis batteur aussi, donc on avait créé des groupes vraiment bien. Et cette énergie, ça me manquait en fait. Du coup, c'est pour ça que moi, ça m'a relancé un petit peu et de se dire, créons quelque chose et voyons où ça nous mène. On est resté sur notre base, qui est la basse musique. Mais voilà, après, on a développé. Enfin, vous allez voir les variations aussi. Et puis, on est très créatif en soi. On arrive à pondre un morceau en une demi-heure. En très peu de temps, ouais. Moi, je fais des bidouilles à la maison. Et puis, Anna, elle écrit des textes. Enfin, voilà. Anna aussi musicienne. Enfin, voilà. C'est tout ce petit truc toutes ces petites choses-là qui sont mises ensemble et qui font pas un peu le mouse, en fait. Ouais, au-delà de mixer, je joue de la musique, je rappe et je chante. Et chacun de notre côté, en fait, on entretient notre musique. Et du coup, quand on se voit, c'est vrai que c'est assez efficace parce qu'on a plein de trucs sous le coude, en fait. Et du coup, c'est beaucoup de l'assemblage. Et c'est vrai qu'on a des influences assez communes, mais en même temps très larges. Parce qu'il y a, ouais, la basse musique, mais il y a le hip-hop, il y a le trip-hop. Il y a un petit peu de rock, enfin, et du coup, Pamplemousse, moi j'ai l'impression que c'est le projet où, genre, en fait, tout est permis. On s'en fout complètement de. Ouais. On se censure pas, on se dit pas, ah, il faut tel BPM, ah, il faut telle esthétique, enfin, on s'en fout complètement et c'est assez agréable. Ouais, comme dirait Carole, donc Radical Junkie Pop, elle nous a fait un petit commentaire un jour, elle dit, c'est cool, c'est sans complexe. Oui, ouais, voilà. Oui. Donc ça se sort comme ça. La question que tu nous posais tout à l'heure, comment on présente le groupe face à une salle de concert, en fait, on l'a jamais vraiment fait, qu'on s'est autoproduit donc au guinguette, au clapier, et puis on avait fait quoi aussi Fête de la musique. Fête de la musique dans notre rue Les Gervais, donc on s'autoproduit, là on joue demain, c'est notre première non autoproduction. Voilà. Où il y a du coup vous jouez à Tens. À la Syrie. Ouais. Et alors qui c'est qui vous fait jouer? Eh ben, c'est les gens de la Syrie, okay, qui organisent régulièrement des concerts. Et alors, comment ils vous ont trouvé? Par le biais de potes. Ok. En gros, c'est des connaissances. Potes de potes. Ouais. Voilà. Et mais on monte avec la charbo quand même. Et pour le coup, c'est un concours de circonstances, mais on monte avec la charbo au final. Et alors c'est ça, en termes d'intensité, moi j'ai peu pratiqué les DJ sets, mais c'est quoi la différence un petit peu d'intensité entre le DJ set et le concert ou le live là comme ça? Est-ce que vous voyez une différence comme ça et de plaisir un peu différent et voilà? Bah le live, enfin moi je sais que j'adore le DJ set, mais la musique live, pour moi elle est hyper précieuse. Enfin, il y a plus de place pour l'improvisation, il y a quelque chose de plus vivant. Et d'ailleurs, j'en parlais hier, quelquefois je reproche un petit peu au DJ de faire la gueule quand il mixe. Moi, perso, ça me coupe un peu les jambes quand il n'y a pas de... quand il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et quelquefois, c'est vrai que dans la musique électronique, bah... quelquefois, les DJ ou les DJettes, ils sont seuls derrière leur platine. Enfin, quelquefois, ça manque un peu d'interaction avec le public. Et je trouve que la musique vivante... enfin, non, sinon, je veux dire que la musique oui, parce que de DJing, ce serait une musique morte. Donc, c'est un petit peu... C'est réactif par rapport à l'instant. Et ouais. Ouais, mais il y a quelque chose d'un peu plus... Enfin, pour ma part, il y a quelque chose d'un peu plus organique, en fait. Et personnel, moi, je dirais aussi, parce que... Le mix, c'est des sons de, des autres. D'autres producteurs en général. Bon, nous, on n'a pas encore sorti de vinyle, donc on met deux, trois petits morceaux à la radio de temps en temps, mais, qu'on a fait. Mais ouais, là, c'est très personnel aussi. C'est notre manière de montrer notre créativité, en fait. Et ouais. Puis que les gens aussi rentrent dans notre univers, parce que bon. Quand vous allez écouter, vous allez voir aussi qu'il y a un certain univers quand même, qu'on n'est pas juste là à jouer des morceaux. On va plonger les gens dans notre monde, en fait. On va leur... dans un monde complètement... comment dire... Décomplexé. Décomplexé, ouais. Et puis, ouais, autour de l'enfance. Qui peut être absurde, qui peut être onirique aussi. Ouais. Enfin, ouais, c'est... Ouais. Ésotérique. Ouais, ça peut être... Ouais. Enfin, c'est, voilà, c'est... on se lâche, on s'en fout d'être jugé, en fait. Vous parliez de sortie un petit peu. Qu'est-ce que vous avez sorti? Où c'est qu'on peut vous trouver comme ça et vous écouter? Pamplemousse ou la Charbot? Non, Pamplemousse. Pamplemousse. On parlera de la Charbot après. Déjà, pendant nos concerts. Ah oui, ouais. Ouais. Mais en fait, on a deux morceaux sur SoundCloud qui sont mal enregistrés. Enfin, on n'est pas... On n'a jamais enregistré encore vraiment studio. Ouais, mais écoutez-les quand même. Écoutez-les quand même parce que... Ça fera des views. Ça, vous ne regrettez pas trop? Non, non, non. Bah non, parce que typiquement, Benoît qui nous a programmé demain, il nous a écoutés sur ces sons-là et il a kiffé. Donc, il y a aussi ce truc, je trouve, de genre, on le met en ligne, même si c'est pas bien mixé, même si c'est pas masterisé. Mais au moins, il y a un truc honnête en mode, en fait, quand on jouera, ça sonnera comme ça, en fait. Donc, au moins, il n'y a pas toutes les strass et paillettes qui ont autour. Donc, du coup, c'est sur le compte de la Charbot, Pamplemousse. Et est-ce que vous avez des projets comme ça d'enregistrement, de trucs, de rendus? Ça serait bien, ouais, on aimerait bien enregistrer. On a 9 titres, je crois. Ouais. On se retrouve deux répètes avant chaque concert, en fait. Quand on a un peu de temps, on en crée une autre. Mais après, on aimerait bien quand même pouvoir les enregistrer avec de la qualité, histoire, voilà, pour pouvoir les partager un petit peu et puis que les gens les mettent dans leur téléphone. Mais après, voilà, on n'a pas de prétention là-dessus. On n'est pas intermittent du spectacle encore. Je sais pas, on fait ça vraiment pour le plaisir. On fait ça à notre rythme, ouais, à notre surtout. Rythme. Ouais. Ouais, parce que bon, on sait que les artistes, c'est dur de gagner sa vie en tant qu'artiste. Et puis c'est une vie aussi, donc après, on n'est pas encore prêt à faire des tournées. C'est pas notre but, ouais. C'est le plaisir. Ouais, c'est beaucoup de plaisir, ouais. Ouais, ouais. C'est surtout ça. Alors moi, je trouve que c'est toujours difficile de définir la musique électronique. On peut fonctionner par les styles, comme ça. Et souvent, la musique électronique, elle est abstraite pour les non-musiciens. Et du coup, j'avais envie de vous lancer un petit peu sur... vous utilisez quoi comme instrument? C'est quoi votre installation? Et c'est quoi un petit peu le rôle de chacune des machines, comme ça, dans le truc? C'est-à-dire, c'est quoi l'élément rythmique? L'élément basse, il vient d'où? Et voilà. Vous pouvez détailler un peu l'install? Voilà, du coup, on est deux. Donc, Anna, elle sera plutôt sur le chant... Et le clavier, même si des fois il n'y a pas forcément de clavier, mais bon, elle est vraiment sur la partie chant. Et puis donc tout ce qui est écriture des textes aussi. Bon, après, c'est pas des textes. Qu'est-ce que tu veux dire sur mes textes? Non, il déboîte mes textes. Non, mais c'est nos textes. Enfin, c'est ses textes, c'est pas repris d'autres personnes. Ouais, enfin voilà, c'est original. Reste, non, mais tout ce qu'on fait, c'est original par contre. Et donc elle a le clavier avec son petit iPad, elle vient d'acquérir une petite, un petit vocodeur. Et ça là. Va être la première utilisation d'ailleurs tout à l'heure. Un voice live, un processeur vocal pour mon micro, pour ma voix. Donc toi tu joues du clavier et tu chantes dans un micro qui sur lequel dans je un balance effet. Des effets. Ouais. Et alors toi tu as plein de trucs avec plein de petites LED là comme ça. Ouais, ça fait des petites lumières. Ouais, petites lumières, ça fait un peu fête de Noël. Il y a l'ordinateur donc qui est sur Ableton Live. Ouais. Le 10, le 11, je sais plus le 10. On s'en fout. Ensuite, je contrôle ce logiciel par une APC 40 MK2 mini. Donc c'est l'interface, c'est l'interface physique du logiciel. À côté de ça, j'ai un petit pad qui va balancer des petits sons et qui avec des faders aussi pour régler les effets un peu, les filtres, ce genre de choses. Et après tout ça, Anna, le micro, le synthé, l'ordinateur, enfin les contrôleurs, tout ça, c'est jeté dans la table qui arrive dans la régie. Dans la régie, voilà. Et moi, j'essaye tant bien que mal de régler tout ça en live, même si j'ai pas la façade, mais bon, on s'en sort, quoi. C'est très artisanal quand même aussi, faut le dire. Mais voilà, Puis balance un peu des effets aussi des fois. Ouais. Il rajoute un peu des effets du coup. Et justement, c'est ça, c'est que dans la musique avec ordinateur, les gens, ils ont vite tendance à imaginer que juste tu te contentes d'appuyer sur play et que la musique électronique, c'est une sorte de grosse arnaque. Toi, quelle marge de manœuvre un petit peu tu te laisses pour le live et qu'est-ce que tu contrôles en live et sur quoi tu interagis ? Alors moi, on va prendre... par le début, pour faire un morceau, on va dire, on va créer des mélodies, des basses, des rythmes, enfin tout ce qui agrémente le synthé et la voix. Et donc une fois qu'on a ça, on les ordonne dans l'interface, parce qu'il y a deux interfaces, il y a le séquenceur et l'interface live. Donc on va tout ordonner sur l'interface live. Et ensuite, moi, je les déclenche soit un par un, soit ligne par ligne. Donc, c'est des sortes de séquences, en quelque sorte, quoi. On voit des phrases, quoi. Tu choisis quand tu les, quand tu les déclenches. Je choisis quand je les déclenche. T'as pas un temps de mesure enregistré. Comme non. Ça, le morceau, il peut durer en fonction d'où vous en êtes, et voilà. Ouais, après, bon, on va dire que moi, je peux revenir en arrière. Je peux faire ce que je veux un petit peu avec ça. Mais après, on se cale vraiment aussi en fonction du morceau qu'on met. Parce que si on met des phrases trop longues aussi, des moments, ça peut être ennuyeux. Enfin, on essaie de varier. Après, on a des... Enfin, voilà, vous l'écouterez bien. Enfin, ça, vous allez voir les changements à l'écoute. Mais voilà, mais tout ce qui est dans les sons, ben voilà, on a une piste batterie, on va avoir une piste basse, on va avoir une piste ambiante. Enfin, voilà, on va avoir tout séparé. Voilà, tu peux tout séparer à n'importe quel moment et choisir de les déclencher. Exactement. Je mets un effet sur chaque piste. Puis t'as des potards aussi par. Voilà. Ouais, je peux régler les volumes aussi en live sur chaque instrument en quelque sorte. Donc après, c'est pas, on va dire, enfin moi, pour moi, c'est pas très compliqué, mais bon, peut-être pour un néophyte, ça le serait, mais en soi, non, c'est pas compliqué à comprendre, à gérer. Le plus dur quand même, c'est de se souvenir du morceau, des alors, petits passages, ça, tu vois, ouais. Et, de certains passages un peu plus, on va dire originaux. Et mais après, voilà, le gros du travail, il est quand même dans la création des sons aussi, parce que bon, il y a et des rythmiques. Il y a la rythmique, des moments on arrive à les créer ensemble avec Anna, des moments moi je les crée à la maison, je lui propose ça et puis en deux secondes elle me sort des gros flots dessus comme celle qu'on a fait hier quoi. On a fait une répète hier, on a fait un morceau, on vous le jouera tout à l'heure, mais voilà, en un quart d'heure le morceau était fait quoi, était enregistré quoi. Du coup la méthode elle est différente un peu à chaque fois quoi, mais du coup c'est pour ça que les morceaux aussi sont différents je pense. Donc ça donne de la variété et puis les gens s'ennuient pas, il y en a pour tout le monde. C'est clair, ouais, ouais. Beaucoup, ouais. Et en fait, en écoutant justement les morceaux, je vous ai jamais vu en live, mais je trouve que dans la façon dont vous composez, il y a une place toute particulière qui est laissée à la voix là, comme ça. Est-ce que c'est un choix et comment et pourquoi un petit peu? Bah, je suis chanteuse. Puis moi, j'ouvre beaucoup ma gueule et j'aime bien qu'on m'écoute. Ah ouais, du coup, tu veux qu'on te laisse de la place? Ouais. Elle nous fait des petits bruits, vous allez voir. Mais baste de ça, c'est qu'on est un duo et qu'il n'y a pas, par exemple, de soufflant, enfin, de cuivre, de sax ou d'autres. Enfin, là, la voix, du coup, elle a aussi un rôle de mélodie, en fait. Enfin, et au clavier, quelquefois, je fais un petit peu de mélodie, mais je vais faire des choses un peu discrètes ou alors des choses qui accompagnent, parce que je suis pas une claviériste prodige, en fait. Alors que la voix, c'est vraiment l'instrument sur lequel je m'éclate le plus. Donc, du coup, bah, ouais, ça prédomine, quoi. C'est sûr. Et alors, la voix, ça m'amène un petit peu à la question aussi du message, comme ça, sans parler forcément des textes, mais si on imaginait que vous aviez glissé des messages subliminaux dans vos chansons, comme ça, c'est quoi les messages subliminaux que vous avez glissé dedans un petit peu? C'est quoi un petit peu l'intention derrière ça, ce que vous avez envie de dire? Ah bah moi, j'ai envie de dire, ce serait, bah, sois toi-même. Parce que, enfin, on est un duo, justement, on a dit décomplexé. Et justement, enfin, plus on avance en plus dans nos morceaux, plus on est honnête et simple, en fait. Enfin, je pense au goéland et les frites. C'est des histoires qu'on raconte. C'est des histoires, en fait. On va dire qu'il y a chaque morceau a une histoire. Mais l'ensemble crée un univers, une personnalité, on va dire. La voix aussi donne à ce petit personnage qui est au milieu du monde, en fait, et qui est là, qui est petit, mais qui s'en sort toujours, qui, avec sa force mentale, tu vois, il y a un côté petite fille, mais qui devient grand, tu vois, c'est un peu ça. Ben, le goéland, par exemple, ça, c'est une histoire personnelle, c'est moi qui lui ai dit d'écrire les textes là-dessus, parce que je me suis fait voler mes fameuses frites dans mon fish and chips. Par des goélands. C'est des sangs. Je t'ai fait attaquer par une bande de goélands. Ah ouais, mais ça, c'est le classique sur les côtes anglaises. À Brighton, sur le pire. Et non, mais voilà, je lui dis, voilà, bah, raconte cette histoire. Moi, ça m'avait traumatisé quand on est parti, on a laissé le fish and chips par terre, tu vois, pour te dire. Mais du coup, je voulais la raconter, quoi. Enfin, et puis c'est aussi, tout est racontable aussi. Enfin, on pourrait faire une chanson sur l'histoire d'un mec qui oublie ses clés. Bah, d'ailleurs, Madame Berthe, il a fait un morceau là-dessus. Enfin, c'est un acolyte à nous. Enfin, je trouve qu'il y a aussi ce côté un peu anodin. Et c'est pas parce que ta vie, elle est banale, que tu peux pas la rendre poétique. Ouh là là, je m'étonne moi-même de ce que je suis en train de dire, là. En fait, là, j'avais envie de proposer à l'écoute, parce que du coup, là, on a parlé, on a laissé les gens dans le vague, mais du coup, j'avais envie de faire écouter un morceau de votre démo, qui est le morceau Other Side. Moi, je l'ai choisi parce que je trouvais qu'il avait une sorte d'ambiance qui m'a surpris à premier abord, vous connaissant, qui était une sorte d'ambiance un peu, que je définirais un peu indus, comme ça, un peu sombre, comme ça. Ah ouais ? Mais pas tant, parce qu'à la fin du morceau, il se révèle autre chose, comme ça. Et vous, c'était quoi l'intention dans ce morceau que vous aviez... L'autre face, là, comme Other Side, c'est le morceau sur lequel on commence en général les concerts. On ne sait pas trop si on parle de la mort, on ne sait pas trop si on parle de deux personnes qui s'aiment. C'est très ouvert, voilà, il n'y a pas de... Et à la fin, il y a beaucoup de morceaux où ça part aussi comme ça en feu d'artifice. Il y a deux faces un petit peu dans le même morceau, ouais, voilà. Ça, on aime bien, ouais. C'est un peu l'accomplissement de soi, cette deuxième partie dans les morceaux. Après, ouais, nous, on ouvre les concerts en général avec ce morceau, on met de la fumée à fond, quoi, on est sur... On arrive en hélicoptère et tout, hein. Attends. Tu t'imagines, on l'imagine grand, là. Tu t'imagines dans les marais avec plein de brouillard, tu vois, et puis de l'autre côté, je sais pas, de l'autre côté de la rivière, côté de la vie réelle en 3D, quoi. Ça peut être... Enfin, voilà, c'est abstrait, mais chacun aussi peut se l'approprier... chacun peut s'approprier cette chanson en soi. Après, il y a des chansons, c'est des histoires, en fait. Voilà, c'est un peu ça à chaque fois. Alors, autant en français qu'en anglais aussi, parce qu'on le fait dans les deux langues. Yeah, alors on s'écoute Other Sides de Pamplemousse et après on revient sur une deuxième partie d'interview avec les deux membres de Pamplemousse pour parler un peu plus particulièrement de la charbonnerie et après il y aura le live de Pamplemousse, alors restez à l'écoute du 895 de Radio Duo. jusqu'au bout. C'était Pamplemousse, Otherside, qui sont avec nous en studio dans cette émission spéciale de la Furieuse Furania de ce festival radiodiophonique. On est super content de vous accueillir et moi particulièrement, j'étais content de vous accueillir aussi pour faire une grosse loupe comme ça sur votre activité et sur votre activisme musical au sein de la Charbonnerie. Et j'avais envie qu'on parle un petit peu aussi de la Charbonnerie. La Charbonnerie, c'est quoi ? C'est une asso. Collectif de DJ ouais. Et de producteurs qui défend la bass music. Alors vous faites pas que ça, vous faites aussi une émission du coup sur ouais. Radio Dio les vendredis soirs. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans votre émission ? Eh ben, on passe les morceaux qui nous font kiffer. Quelquefois des dernières sorties des exclus, quelquefois des sons d'il y a 15 ans, 20 ans. C'est tout ce qu'on aime en bass music, quoi. Mais ça va de 80 à 175 BPM. Et ça va du croate au breton, au stéphanois, à l'américain, à Skrillex, au truc hyper underground qui a eu 50 vues sur YouTube. C'est vraiment, ça ratisse très très large dans cette niche au final. Et alors moi c'est marrant, j'ai toujours un petit peu ce rapport comme ça à la musique et le rapport à la découverte musicale, c'est-à-dire adolescent, on découvre de la musique et on y voit une sorte d'intensité, une révolte, on s'identifie à un mouvement comme ça. Vous, c'est quoi votre accroche avec justement ce courant de la basse musique ? Comment vous la découvrez ? Movements, quoi. Ouais. Comment vous la découvrez et c'est quoi vos premiers rapports comme ça et votre excitation à la découverte de ce mouvement ? Je pense qu'on l'a tous découvert de manière différente. Pour ce qui me concerne, moi, c'était plutôt dans les rêves parties. moi, j'allais pas beaucoup non plus, mais j'ai pas mal d'amis qui allaient, qui ramenaient plein de CD gravés d'artistes qui faisaient des mix, style Willie Mann, des choses comme ça. Des gens qui ne sont plus là, paix à leur âme. Parce qu'ils ont dû prendre trop de trucs. Mais voilà, c'était un rêve parti. Puis après, c'est un truc que quand t'accroches, tu peux pas, tu sais, c'est comme une sangsue, quoi. C'est vrai, ça te prend, quoi. Et après, j'ai envie de te dire, c'est aussi un style musical qui a beaucoup d'influence de toutes les musiques, en fait, de tous les styles de musique, donc comme de la soul, du jazz, du rock. Enfin voilà, de la techno, c'est vraiment, musique carrefour. Ouais, c'est une musique carrefour universelle en fait, qui est aussi complexe, parce qu'elle est, enfin, qui est perçue comme complexe, parce que en France, ouais, surtout là, mais voilà, ça vient d'Angleterre, Anna vous fera le petit topo, elle le fait bien, mais voilà, qui est complexe, mais justement, c'est peut-être cette complexité que les gens ont peur d'aller chercher en fait, mais une fois qu'ils sont dedans, ils se laissent aller et j'ai envie de dire c'est une musique qui est pas forcément comme la techno ou l'électro classique ou la house, enfin on le voit sur le dance floor, quoi. Quand on écoute de la techno, la house, les gens sont souvent dans la même attitude de danse, genre de truc, alors que quand on va faire du mix, nous on voit que les gens dansent de manière complètement différente, chacun a son goût, enfin chacun son style, et ça reflète un peu cette variété d'influence de musique derrière. Et après, moi, par exemple, je fais la radio, moi, j'ai mon style. On a chacun notre style d'écoute, quoi. On n'écoute pas forcément les mêmes artistes. On a toujours des artistes en commun, mais on a vraiment chacun notre couleur aussi de son qu'on aime, quoi. Alors moi, je sais qu'on vous a retrouvé, on vous a vu au Méliès il y a pas longtemps, parce que du coup, vous étiez derrière la projection d'un documentaire sur justement l'histoire un petit peu de ce courant musical. Du coup, c'est quoi la basse musique pour les néophytes en quelques mots là? Vous diriez comment vous l'expliqueriez? Eh ben, moi souvent je dis, en gros, c'est le milieu rave qui rencontre la diaspora jamaïcaine. Grosse vague d'immigration qui vient de Jamaïque, qui va en Angleterre, qui vient avec la culture sound system. Et au début des années 80, y a tous les mouvements qui naissent dans les hangars et tout ça. Et du coup, il y a toute la black music, donc il y a le hip-hop et le dub et le reggae, qui va se multiplier par deux. Parce qu'il y a une volonté d'être dans la rapidité, parce qu'il y a l'acid house et tout ça en parallèle. Et en fait, ça se rencontre. Et du coup, dans la drum and bass, par exemple, il y a vraiment ce phénomène d'avoir des toasters, comme dans le dub, mais sur un rythme beaucoup plus effréné, donc 175 ou 160, et divisé par deux, ça fait entre 80 et 90 BPM, qui sont en fait les BPM du hip-hop. Donc c'est ça, enfin, je sais que moi aussi, je me rejoins vachement dans cette musique, parce qu'elle elle a du sud et du nord, quoi. Et alors, c'est en termes d'ancrage local, c'est vrai que moi, j'ai vu des sons drum and bass sur des teufs techno. Dans certaines soirées électroniques, il y avait un peu de gens, des fois, il y avait quelques DJ comme ça à Saint-Etienne qui passaient un peu ce genre de son. Mais autant je pourrais dire qu'à Saint-Etienne, il y a eu un mouvement tribe techno qui a eu de la continuité, autant vous êtes un peu pour moi une sorte de première comme ça, de créer un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a une entité, une orga là comme ça, qui organise des soirées dédiées, autour de dédiées quoi, ouais, dédiées, ouais, ouais. Et voilà. Et alors depuis le début de votre existence, comme ça, est-ce que vous sentez quelque chose de monter ? Est-ce que les gens y pensent plus à vous ? Est-ce que localement, comme ça, ils se sont dit « Ah, ça y est, une scène... » Alors que cette scène, elle était quand même un peu existante. Oui, parce que je pense que... Je voulais revenir là-dessus, ouais, parce qu'on a perdu quelqu'un qui était un gros acteur stéphanois, donc Mams. On pense tous à lui. Même limite, j'ai envie de dire qu'on prend le relais, nous. Ouais. C'est un peu... Il nous a laissé cet héritage à Saint-Étienne. Donc moi, enfin, grâce à lui, j'ai découvert ce milieu-là à Saint-Étienne, qui est pas très nombreux. Ouais. mais du coup, après, ouais, enfin, comment dire, nous, on arrive à se développer, mais petit à petit, quoi. Enfin, déjà, l'assaut a été monté avant le Covid, donc on s'est chopé toute cette période où on pouvait pas faire grand-chose, mais grâce aussi à Radio Dio, nos émissions, on a pu continuer, et puis même trouver un public qui est un public intéressé. Après, bah voilà, nous, je donne un exemple, hein, par exemple. Enfin, nous, quand on fait nos soirées, il y a nos, ceux qui nous suivent, ils viennent. Cercle proche. Voilà, il y a le cercle proche. Mais quand on arrive sur d'autres événements, ou par exemple, où il y a d'autres DJ de collectifs différents, et que nous, on passe notre truc, déjà, c'est un peu plus dynamique par rapport, je sais pas, à de la tech, à de la house, de ce genre de choses. Je critique pas la tech, je dis plus dynamique. Et du coup, les gens, on sent que chez eux, ça fait ça leur donne de l'air. Enfin, ils viennent nous remercier quand même à la fin, quoi. Ça, c'est un truc. Les autres assos, je sais pas s'ils font ça, mais nous, c'est vrai, quand on se plante comme au F2 par exemple, l'autre fois j'ai mixé au F2, les gens à la fin ils sont dit merci, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien là. Tu dis bien, c'est cool en fait. Enfin, nous, on aime partager ces ouais. moments-là, quoi, cette dynamique. Et justement, avec ce côté un petit peu fédérateur des soirées et aussi des émissions sur lesquelles vous invitez des DJ, est-ce que ça vous a permis de rencontrer des nouvelles personnes comme ça, des accros de basse musique? Bah, à fond. Enfin, là, je pense à Madame Berthe et à Leto. Après, ouais. Ils sont sur Valence et sur Lyon. Mais clairement, ouais, petit à petit, on est en train de développer un réseau bass, parce qu'on fait tous un peu ce constat. Mais la bass music en France, en ce moment, elle se réveille un peu. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on l'écoute. Et en France, elle a toujours été, hormis à Toulouse, elle a toujours été un peu balbutiante et écrasée par la psytrance et la techno. Mais par contre, voilà, avec l'ère internet et tout, j'ai l'impression que les jeunes générations, elles sont plus dispo pour des nouvelles sonorités, et que même des gens de notre âge, quand ils, ouais, effectivement, dès qu'ils entendent de la drum and bass ou de la jungle, ils sont là genre ça fait plaisir. Mais on est conscient qu'on est sur de la sensibilisation, enfin, qu'on sort les gens de leur confort, et en fait les gens, ils aiment pas trop sortir de leur zone de confort. Et on s'aperçoit, ouais, qu'il y a vraiment un public qui connaît pas, quoi, en fait. Ouais. En fait, pour eux, on joue la drum and bass, ils pensent que c'est du dubstep, par exemple. Oui, par exemple, ouais. Mais voilà, enfin, on fait un peu de la pédagogie grâce à la radio aussi. Ouais. Moi, je vous avouerai que j'ai des fois avec vous, il y a des mots que j'ose pas prononcer. J'ai l'impression que je vais avoir mal dit, ou je sais pas quoi. Parce que liquid drum and bass. C'est quoi la liquid? C'était Loïc, on s'en rappelle très bien. Et justement, avec l'assaut, la charbonnerie. Alors moi, je vous ai vu organiser aussi bien des soirées mixtes que un concert à la fête de la musique, des concerts à la fête de la musique. Je me souviens aussi de ce moment où cette année, vous avez organisé là cet après-midi à Charbel School. La Charbel School. J'aurais envie aussi de parler des open mic que je relie aussi un petit peu à cette culture. Et alors, qu'est-ce que vous faites comme ça? C'est quoi là vos prochains trucs et vos actions un petit peu là, les prochains projets, actions, trucs que vous avez envie de défendre là comme ça? Bah, déjà cette année, on s'est dit on va faire moins de soirées dans les bars parce qu'on voyait que ça commençait à pêcher, qu'il y avait trop de bars qui faisaient trop d'événements. Donc on s'est dit on va calmer un peu les bars cette année. On va se concentrer plutôt sur des gros événements, comme on a pu faire, donc comme le Charbel School, le Clapier aussi. On va faire une date au Clapier. On espère, normalement. On espère, ça devrait se faire, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ce sera au mois de mars, c'est le 22 mars, ouais. Je crois. Et puis, voilà, on veut faire des événements plus gros, mais moins souvent. Moins souvent, quoi. Enfin, qu'avant, on jouait peut-être une à deux fois par mois dans les bars. Ça épuise un peu quand même aussi de jouer souvent dans les bars parce que déjà il faut trimballer le matériel et après il faut ranger, il faut le ramener, ça va qu'on est en centre-ville, mais ouais, c'est beaucoup d'énergie et on s'est dit autant faire un événement avec beaucoup d'énergie tous ensemble, même avec notre petit cercle nos gens satellites autour, parce que voilà, nous, on est le cœur de l'assaut, mais il y a beaucoup de gens autour de nous, voilà, des bénévoles pour des événements, pour nous aider. Ouais, vous êtes combien dans l'assaut? On est 8. 7 ou 8. 7 ou 8, ouais. Ouais, actifs. Et puis après, ouais, il y a les gens qui gravitent un peu autour. Big up à JB, par exemple, Carlite et d'autres. Mais ce qui est un peu nouveau aussi cette année, c'est qu'on commence à jouer ailleurs qu'à Saint-Thé. Ouais. On a joué à Valence du coup la semaine dernière dans un lieu qui vient d'ouvrir, super accueil, super public, très très content. Et on joue demain du coup à Tens, à la Syrie, et avec Pamplemousse la semaine prochaine on joue dans l'Ain aussi pour un rassemblement de musiciens, une scène ouverte. Et je pense qu'on a un peu posé des bonnes bases sur Saint-Thé. Et maintenant, du coup, on peut envoyer les tentacules un peu plus loin. Et puis oui, on va aussi sur d'autres ondes hertziennes. On va sur FM43 pour une mensuelle à partir de demain. Pareil, Bass Music, ce sera les 3e samedi du mois de 20h à 22h. Et puis il y a eu un gros levier aussi cet été, là, c'est qu'on a joué au Forest Festival. On a eu la carte blanche, ouais. Le samedi, donc de 14 à 20h. On s'est découvert un public on a joué devant plein de gens qu'on connaît pas et qui ont carrément adhéré. Et ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'était la grosse scène de l'année, ça. Et alors, au-delà des rendez-vous sur Radio Dio tous les vendredis à 17h dans l'émission Charbonnaire, comment, si on a envie de vous faire jouer en tant que Riot DJ et vous retrouver, on vous retrouve comment? Vous êtes tous sur la toile? Facebook, Instagram, SoundCloud. La Charbonnerie Production. La Charbonnerie Production. Ouais, on est obligé de passer par là. Hein. Et ben alors, ce que je vous propose avant le petit moment live, c'est qu'on s'écoute un petit morceau de toi. Ah. Qui s'appelle Wong Wave et qu'on peut retrouver du coup sur le SoundCloud de la Charbonnerie. Sur Bandcamp aussi. Du coup, vous avez aussi un Bandcamp? Non, moi j'ai mon Bandcamp. T'as ton Bandcamp, et alors ton Bandcamp, c'est sous le nom de Perruche. Exactement. Et bah du coup, on écoute Wong Wave de Perruche. Ouais. Et bah allez, on écoute ça et puis après sera le moment du live. Yes. Alors restez à l'écoute. Ah non, alors, t'étais non, pas, du tout, pas du tout le bon. Là, faire ça à moi, mon avis, en plus. C'était SoundCloud qui a continué ça. De me faire de ça tour. À moi. C'est vrai que c'était rigolo de faire croire que tu faisais de la ouf. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est bon, c'est parti. Et voilà, c'était le morceau de Perruche, Wrong Wave, sur la Charbonnerie Production, sur le SoundCloud de la Charbonnerie Production. On est toujours dans cette émission spéciale de la Furious Furiania dans le cadre du festival Radio Dio Phonique sur le 895 de Radio Dio et sur radiodio.org. C'est maintenant le moment du live de Pamplemousse et on est parti. Je montre les XLR et j'envoie la foule en délire. Bonjour, Sam. Bonjour, Sam. Anatomie mécanique qui cherche en chien le coït, quitte à ce que ça pique, nique. Ça se bécote, ça s'effite, ça se fricote, ça s'effite sur le banc, les amants, les ardes. Sur un air lancinant, à défaut d'une trace ou d'un coup de grâce, la graisse s'efface sur le rythme de ses corps enlacés. Là, je suis là, je sais pas ce qui m'effraie, de ces phrases et ces phrases qui font que me blaser. Galerie in the brain, je reste blême, mais galant, plein de lattes, c'est sorti au restaurant. C'est peut-être mieux, prends le temps rien qu'en marchant, dis-moi c'est ça d'être grand. Dis-moi c'est ça d'être grand, traduis-moi l'appli et please. Reste en appui quand je m'éplise. La petite poussette, c'est poussette et c'est moustille. Esquisse un sourire et s'enfuit. dans un women, le fait le chim de boîte. You're the beautiful light, elle le veut y all across the world you worship. It's in the press you got stressed to wear them homeless. Without a blessing and a little bit of thinking, you got it brought it primarily to your wedding. You got the fingers for a ring, the bangle ching-a-ling on the heels that you're wearing. Nah, boys, from my voice melting through your veins. We ain't just a body, get your rest and get a brain. Jump your pair, your vision's busy. Won't be the first, nor the last, so one and fast and easy. Time's running, centuries flying. History is written for, sucking for, got a nine crying. Calling out to the star generation. Make it happen, and it's your dragon, yeah? Yeah. Bring the bad hoes at the door. Some sweet smell like honey, or just one for sexing hardcore. Bring the bad hoes at the door. Some sweet smell like honey, or just one for sexing Pamplemousse live en direct sur Radio Duo, la Charbonnerie Production représente. Quel public! Par la mer, portée par la mer, les yeux vers le ciel. vers le ciel, je l'ai vu. Je l'ai vu. Tu l'as vu. C'était la lune. sur... Pamplemousse dans cette curieuse furanie. Live and direct. Live and direct. 8-9-5. Et alors ? Earth. de bord. Abracadabra, transforme-toi avec Pamplemousse sur le 895 de Radio Dion. Ok. Salut Radio Dion. C'est Pamplemousse. En direct du Zénith de la planète Mars. prends. L'arrêt du cul but. De live radiophonique représente pour la Charbonnerie Production Pamplemousse live sur Radio Dio pour cette furieuse Furania. Merci en tout cas, Pac, pour l'invitation. Le morceau que vous venez d'écouter, bah, c'est une exclusivité. On l'a pondu il y a quelques semaines. Et celui qui vient, bah, on l'a pondu hier. Et on s'est dit, allez, feu, on l'a fait pour vous, parce que ça nous fait plaisir. Quand je prends le bif, on voit mes rimes, c'est kiff, mes mots te menacent. Moi aussi je peux faire le lascar en fumée. Dharma avec les potos posés en bas de la cité. Parce qu'en vrai, lunettes, noir, gun, Jean Art, passage au mitard. C'est une histoire du hip-hop dont certains s'emparent. Pour ma part, je rappe pas pour m'élever, j'ai rien à prouver. Cette vague est sans domonce, vu que je suis né, partout je l'ai porté. C'est l'appel du béton de ceux qui triment et baissent pas le front à l'affront. Je prends le microphone et donne le ton. C'est l'afro, mais pas affreux. Poser mes 16 mesures, c'est pas ma 1, non. Mais avateur que je pose dans l'action. Que tu m'aimes, que tu me détestes, que tu me kiffes ou tu me testes. Peu importe, j'lâche pas le mic, baisse pas la tête. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Je vais pas lâcher du lest, mais plutôt faire des prouesses. Ma liturgie comme source d'ivresse. Ouais, ouais, je suis pas la meuf qui va faire que des refrains en mode R&B. Ouais, tu n'es pas sur énergie. Tu n'as pas 11 ans et demi. Mais tu sais, t'es sûr le 89.5 de Dio. Même si la panne de la plume te déprime de mes mots. Passe le mémo où j'étale mes mots, je suis pas Gémeaux. Mes versos qui versent avec adresse le stress qui monte à la tête, qui fait pousser une crête. Ça en jette, moi j'entends le cypher avec la peur au ventre. J'aimante le regard des joueurs, vous soyez 20 ou 30. J'éclare, je m'éparpille, je ris et je vacille. Je me rattrape à coups de triolet. C'est pas trio, c'est Jay-Z, Q-Tip, Tupac, Kendrick et tout leur pamphlet qui me nourrit non-stop. Ça promet, je me détends et je reprends. Mes mains sont moites, le corps en avant. C'est ici maintenant que tu comprends que je te rends dedans. Je te rends dedans, ouais, ouais. Je te rends dedans, ouais, ouais. Je te rends dedans, ouais, ouais. Je te rends dedans, oh, oh, oh. Je te rends dedans, ouais, ouais. Je rentre dedans, ouais, ouais. Je rentre dedans, ouais, ouais. Ouais, t'es pas prêt, eh, eh. Ouais, t'es pas prêt, eh, eh. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Be fine. Be fine. Toi-même tu sais. you are just fine. Let's go with the rhythm. Don't be scared to die. Deal with Pamplemousse right now. Pamplemousse. P-Rush. Dois-je te rendre dedans? Dois-je te rendre dedans? Dois-je te rendre dedans? Oh, t'es pas prêt? Dois-je te rendre dedans? Dois-je te rendre dedans? Dois-je te rendre dedans? Et t'es pas prêt? Et ouais, toi-même tu sais, c'est Anacrous et Perruche dans leur duo Pamplemousse pour la Charbonnerie Production. Allez, encore des petits morceaux, encore, encore, encore. Trois morceaux. Celui-là, c'est le fameux, pour ceux qui étaient avec nous tout à l'heure. C'est le fameux, la fameuse histoire de Perruche on the pier de Brighton qui se fait envahir par des goélands. Du coup, le morceau s'appelle Goéland, quoi. Tout simplement. J'arrive. flying, go beyond. Use your wings and take a deep jump to fly. The sky is yours and you can touch the clouds. Go, go, high, high, high. You can, don't be afraid to fly. You know you can, real, real, don't be young. I've been here and you, I have been there too. We've been queuing for the club. This is the best meet every Saturday. And I don't know what I just said. It was a bit of a yogurt. It doesn't matter as long as it's real now. I wanna dance with you. Merci. Okay. Du coup, on va dire au revoir avec celle-là. Ça s'appelle I Wanna Live. Après avoir voulu danser, on veut tout simplement vivre. Et donc voilà. Si tu es, peu importe où tu es, tu nous écoutes, tu peux faire un câlin à quelqu'un. C'est le moment. Voilà, c'était Pamplemousse dans ce festival radio-duophonique et dans cette furieuse Furiania, Pamplemousse de la Charbonnerie Production. Et pour finir cette émission spéciale, je vous propose d'écouter un dernier morceau de la Charbonnerie Production, The Blue Dot Far Away Original, mix by Zero Cam. Start. We're going to have our computers that are under control and allow the vehicle's critical control.